Très belle suite de journée sur la première. Merci d'écouter nos programmes. Voici Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. La reine dit, je vais aller voir à Nieuport pour voir s'il n'y a pas de trop de blessés. Et si je ne puis rien faire ou si on a besoin de rien. Cette semaine, un pouvoir au service des autres. La reine Elisabeth de Belgique se rend sur la Riviera vaudoise avec son mari, le roi Albert Ier. De la Bavière à la Belgique. Elle n'avait pas peur, la reine, d'aller au front. Reine et musicienne. J'ai rencontré ce matin maman dans le corridor menant à la bibliothèque. Que j'étais heureux. Je l'ai embrassée autant que j'ai pu. J'étais allé chercher la reine. Et à peine en auto, elle me dit, vous savez, il y a eu une attaque cette nuit. Je voudrais bien aller voir. Nous sommes de nouveau en compagnie de la réalisatrice Séverine Cornamusa, dont nous avons fait connaissance hier. Rappelons en quelques mots qu'elle est au départ réalisatrice de fiction. Elle a additionné dans des genres fort différents les courts-métrages et les longs-métrages, et déjà un assez grand nombre vu son jeune âge, ce qui sous-tend que Séverine Cornamusa est une personne extrêmement active. Elle a fait une pause en quelque sorte, enfin une demi-pause parce que le travail est au moins également important, en s'attardant sur le documentaire. Elle a donc signé ce prochain documentaire d'histoire vivante, 14-18, des enfants belges en Suisse, que on pourra découvrir dimanche soir sur RTS2 dans la case d'histoire vivante. On a dit quelques mots de ce documentaire, mais on va peut-être effectivement redire encore le résumé, qui est tout de même largement compris dans le titre. La période, c'est 14-18, vous l'avez compris, des enfants belges qui vont se retrouver en Suisse. Ils vont s'y retrouver grâce notamment au travail d'un certain nombre de femmes. Séverine Cornamusa en a choisi 3, et ces femmes-là ont accompli un travail d'autant plus exceptionnel qu'elles l'ont accompli en période de guerre, et elles l'ont accompli, qui plus est, à grande vitesse. Ces 3 femmes sont Marie Widmer-Curta, Elisabeth de Belgique, dont nous avons parlé cette semaine, et Georgiana Five. Ce qui sous-entend qu'il fallait travailler à la fois sur le territoire suisse, mais les archives manquaient quelque peu. Il fallait travailler également sur les archives de Belgique. Nous en étions là, Séverine Cornamusa, dans notre discussion d'hier. Nous allons donc la rouvrir aujourd'hui. Archives en Belgique, il y a plusieurs adresses, il y a plusieurs fonds. Quels sont-ils ? Oui, alors moi je me suis rendue au Palais Royal, aux archives du Palais Royal, donc où la reine a laissé des documents, la reine, le roi, et aussi beaucoup d'images, en réalité, puisqu'elle-même faisait des photos quotidiennement pendant la guerre, et des belles photos, puisque moi je suis photographe au départ, donc j'apprécie. Et il y avait en fait une telle qualité photographique, et parfois des sujets qui étaient couverts sous tellement d'angles, que je me suis dit, il y a matière à faire un film avec des photographies sans que ça fasse film d'histoire avec 3 photos et on crée de faux mouvements dedans pour animer l'image. Et moi j'ai pensé tout de suite au film de Chris Marker qui s'appelle La Jetée, qui est un court-métrage de une petite trentaine de minutes. Culte, fait uniquement de photographies, une fiction. Et en réalité, très rapidement, on oublie qu'il s'agit de photographies. Je me suis dit, vu la masse de photographies que j'ai à disposition et leur qualité et le nombre d'angles que j'ai parfois, je peux faire un film comme ça. Et ça m'intéressait. Ça, c'était le deuxième grand intérêt de faire ce film, au-delà du sujet des femmes et des enfants. C'était le rapport à la photographie, qui est mon premier amour, en fait. Justement, c'est délicat parce que quand on choisit de traiter la photographie, il y a pas mal de pistes, j'imagine, sur le plan du traitement qui s'offre à vous, compte tenu en plus de ça de la légèreté technologique du moment. Bien, oui, bien sûr. Alors déjà, tout ce qui était ces effets de petit zoom avant, petit zoom arrière que font tous les ordinateurs automatiquement et que la plupart des réalisateurs de films historiques mettent dans leurs documents photographiques, moi je comprends pas, je ne supporte pas. J'ai un rapport à la photographie où c'est très dur pour moi de recadrer une photographie. parce que je respecte le cadre, si c'était fait par un professionnel, donc le choix du cadre. Je me mettais beaucoup d'embûches parce que je voulais recadrer aucune photo au départ. Par contre, les retoucher, c'est une autre question, c'est-à-dire qu'on doit les rendre lisibles. On parle de documents aussi, on parlait de documents atomisés, mais là, c'était au niveau de la qualité. La qualité très variable de documents qui ont une centaine d'années. Donc on a des images surexposées, sous-exposées, déchirées, trouées, brûlées. Enfin, voilà, on a des sources complètement variables. Et parfois, pour récupérer des originaux de bonne qualité, c'est difficile. Donc, il fallait quand même unifier ces images pour la lecture et la lisibilité pour le spectateur, d'une part. Et d'autre part, j'ai presque 400 photographies dans ce film. J'ai créé des séquences, donc des séquences qui émergent de nulle part, sauf si ce n'est du montage. En fait, c'est des séquences inventées au montage, puisqu'il n'y a rien de préexistant. Et toutes ces séquences ont été traitées avec mon mari, qui est photographe, retoucheur d'images, qui est donc spécialisé là-dedans, pour leur donner un ton, une ambiance particulière en fonction de ce qu'on racontait dans le commentaire. Et donc là, on a travaillé sur des teintes, parce qu'on parle de photographie noir-blanc, et elles sont toutes légèrement teintées. Il n'y a absolument pas de noir-blanc pur dans mon film. Et je pense que le spectateur ne peut pas dire qu'elles sont teintées, ou parfois c'est un peu fort, mais sinon il sait pas, elles sont plus ou moins froides, chaudes, etc. Mais ça a une influence sur la perception et l'émotion qu'on perçoit à ce moment-là. Mais 400 photos à retoucher, le ménage a tenu? Ou alors c'est quand même bon nombre d'heures où on se voit peu? Non, ça s'est bien passé. Vu l'état des photos, moi je n'y connais absolument rien dans le domaine technique. Comment, à partir par exemple de quelque chose qui a pu brûler ou... J'exagère un peu. Déchirer, disons, par exemple. Alors, en fait, mon mari était paniqué par la variété de l'état des photographies et par le fait qu'il n'y a pas de série. En fait, nous, on crée des séries dans le montage, mais en réalité, la série n'existe pas, puis ce n'est pas le même photographe, etc. Donc, il avait des choses dans tous les états qu'il devait unifier. Il ne comprenait pas. Il me disait, mais là, ici, je retouche, j'en ai pour des heures. Je lui ai dit, mais il faut retoucher pour une image qui sera 4 secondes, 5 secondes à l'écran. C'est-à-dire, juste... Ce dont on a besoin, il faut retoucher. On ne va pas aller dans le surdétail d'enlever des poussières, des petites choses qu'on ne voit pas dans le temps d'un film. Donc ça, c'était un travail à faire pour lui, qui était compliqué, puisque lui, il travaille pour l'impression. On peut regarder une photo autant de temps qu'on veut dans son travail. Il y avait un truc qui était intéressant, c'est que le noir-blanc n'existait pas. Donc la plupart de ces images sont reproduites. Et en réalité, il y a des zones qui sont sépia, des zones qui sont bleues avec l'altération. Donc, elles deviennent presque couleur, ces photographies, avec le temps. C'est très étrange. Donc, moi, je voulais aussi pas enlever ces teintes de l'âge. Cette oxydation. Voilà. Ouais. Et je gardais donc déjà les teintes réelles de ces photographies pour les rendre le plus vivantes possible. Donc, dans mon film, il y a 4 mouvements sur les photographies, sur 400 photos. Qu'est-ce que vous entendez par mouvement? C'est-à-dire que j'ai enlevé les zooms avant, les zooms arrière. Je les ai pas mis, tout simplement, ce qu'on voit habituellement dans les films. J'ai juste unifié les cadres, c'est-à-dire les cadres, les largeurs, pour pas que ça saute dans le cadre 16/9, parce que la plupart de ces photographies ne sont pas 16/9. Donc, pour respecter les cadrages, il n'y a pas de barre qui bouge tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Non, ça, pas suffisamment. C'est-à-dire, si on a une photo carrée... Moi, vous me faites le mouvement avec les mains, mais les auditeurs... Si on a une photo carrée, par exemple, dans un cadre rectangulaire, ouais. Alors soit on la recadre méchamment pour qu'on ne voit pas de bord, ouais. Soit on garde les bords, mais alors, il faut qu'avec la photo d'après, qui n'est peut-être pas forcément carrée, il faut qu'on fasse un choix. Parce que sinon, on a une barre noire qui saute. Qui n'arrête pas de bouger. Voilà, ouais. Et ça, c'est très perturbant. Donc ça, on a dû unifier aussi et faire des choix par séquence. Un joli travail sur la photographie dont je suis vraiment contente parce que les spectateurs qui ont déjà vu le film m'ont dit ça. On se rend plus compte que c'est de la photographie, c'est incroyable. Ils me disent que c'est de la photographie principalement et puis on oublie ça, on a l'impression que ça bouge. Marie Wittmer-Curta publie une annonce dans le journal et propose à toute personne souhaitant agir de se réunir chez elle. Plus d'une soixantaine de volontaires accourent, et quelques pasteurs, et surtout de nombreuses femmes de la bonne société protestante qui commencent à s'émanciper, sortir dans l'espace public et prendre la parole. Ensemble, ils décident de créer un comité de secours aux réfugiés belges. et de lancer un appel à la générosité des Suisses via la presse. Le message rencontre un grand succès. De nombreux comités régionaux se créent dans tous les cantons romands, certains cantons suisses allemands et dans le Tessin. Sur le modèle suisse du fédéralisme, ils mettent en place un comité central dont Marie Wittmer-Curta sera la présidente. Il chapeautera les comités cantonaux dont la mission est de récolter des fonds et rechercher des lieux d'hébergement. On va parler narration, Séverine Cornamusa, parce que c'est vrai que partir d'un matériel archivistique pour raconter une histoire ne va pas forcément de soi. Plusieurs pistes sont possibles. Vous aviez des documents photographiques en assez grand nombre, mais pas forcément en bon état. Vous aviez également de l'archive écrite qui permettait de saisir un certain sens, mais qui ne sont pas forcément, on peut l'imaginer, matière documentaire passionnante dans un documentaire, dans un film. Mais le documentaire a ceci d'intéressant, c'est qu'on peut mettre de la musique, on peut mettre un narrateur, une narratrice. On va peut-être ouvrir une petite porte à la narratrice de votre documentaire. Elle est connue du grand public, c'est une actrice célèbre. Vous nous la présentez ? Yolande Moreau, une grande actrice belge, qui est peut-être ce qui l'a rendue la plus connue, c'est son apparition dans ses sketchs des déchiens dans les années 90. Comment l'oublier ? Alors, c'est mercredi après-midi, il y a une bande d'enfants qui arrive chez vous, et vous allez leur proposer quelque chose, une bonne recette bien de chez nous, que Bruno va vous expliquer. Oui. Alors bon, ma petite Yolande. Pour ce film, évidemment, on a fait une coproduction avec la Belgique, donc il y a de l'argent belge, donc il faut faire des dépenses belges. Et Yolande Moreau, c'est une dépense belge. Oui. Elle est belge. D'accord. Non, mais je ne connaissais pas l'expression faire des dépenses belges. C'est-à-dire que, voilà, ouais. si la Belgique met 20%, je ne sais pas combien elle a mise là, exactement, mais s'il met 20% du budget, on doit dépenser 20% du budget en Belgique. Donc, les choix ont été faits de basculer la post-production en Belgique après le montage, c'est-à-dire la musique, le montage son, parce qu'on parle d'un film avec des archives muettes. Donc, exact. Il y a un gros travail sur le son. Enfin voilà, toutes ces étapes-là ont été faites en Belgique. Moi, je me suis retrouvée au montage avec ma voix, enregistrée avec le même appareil que vous, là, un Zoom, pour pas faire de pub. Tous les jours, réenregistrer ma voix. Trop tard, vous pirez vous-même, vous pirez de votre poche. Donc tous les jours, j'enregistrais ma voix, je la réenregistrais, je réécrivais ce commentaire parce que je devais l'adapter aux photographies, j'ai dû faire des choix sur ce que je disais parce que je n'avais pas les images parfois. C'était assez compliqué, j'avais ma voix très monocorde pendant des semaines. Que vous ne supportiez pas comme la plupart des gens qui s'écoutent. Ça va, je m'y suis fait, mais franchement c'était pénible. Et alors, ma productrice m'a dit, il faudra qu'on trouve une voix off en Belgique. J'ai dit, c'est formidable, puisque j'avais l'idée d'avoir une femme de plus de 60 ans pour faire la voix off. Et là j'ai dit Yolande Moreau direct, parce que c'est une actrice que j'aime beaucoup. Et puis parce que pour ce film-là, qui n'a pas été fait comme un documentaire télévision dans le sens classique, qui est comme un livre qu'on ouvre et une histoire qu'on raconte, il était une fois, je me suis dit, il faut une actrice qui peut prendre en charge cette narration, de conteuse, comme une conteuse. Et donc, je ne sais pas pourquoi, je pensais que Yolande Moreau serait la bonne personne. Afin d'obtenir des soutiens au plus haut niveau, Marie Wittmer-Curta se rend à Berne pour s'entretenir avec le président de la Confédération. S'il ne désapprouve pas ce mouvement de charité, la neutralité de la Suisse ne lui permet pas de s'engager pour une partie belligérante, même en faveur des civils. Il consent tout de même un petit geste, en accordant des tarifs préférentiels sur les trains suisses pour les réfugiés belges et en offrant des timbres pour la correspondance du comité. En 3 semaines, le comité de secours est structuré, financé et prêt à accueillir 3000 réfugiés dans toute la Suisse. Il ne reste plus qu'à les faire venir. Puisque vous avez travaillé dans la fiction, Séverine Cornamusa, qu'est-ce que vous pourriez dire de commun dans le domaine de l'écriture ? Est-ce qu'on est vraiment sur des territoires qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre ? Ou du fait même de choisir une narration proche du conte, vous avez en quelque sorte réalisé la quadrature du cercle ? Ouais. Alors non, ça n'a rien à voir dans le sens où écrire un commentaire, c'est très difficile d'écrire un commentaire pour un film documentaire. Faut-il penser commentaire d'ailleurs ? Je ne sais pas, mais en l'occurrence... Parce que c'est un mot piégeant, ça. Oui, c'est-à-dire, moi, le mien, je l'écrivais au fur et à mesure du montage. C'est un film de montage, mon film, puisqu'il se base sur des archives et qu'il n'y a rien de préexistant. Donc, on montait des séquences. On avait plus ou moins une idée de ce qu'on voulait dire. Et j'écrivais, je réécrivais. Mais un commentaire de documentaire, c'est vraiment à la seconde près, au mot près. C'est ça qui est complètement fou. J'ai passé mon temps, vraiment, j'ai passé... je pense une dizaine de semaines à réécrire ce commentaire. Le mot arrive trop tôt, ou il arrive trop tard, c'est ou ça. Ceci, ça. C'est ça, et on doit changer l'ordre des phrases pour que ça colle avec les images. Enfin, c'est complètement incroyable. Ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Passionnant. Oui, c'est passionnant. Alors, ce qui vient de la fiction dans mon film, c'est plutôt le rapport à l'émotion. Je pense que j'ai tricoté quelque chose entre les faits historiques et l'émotion, parce que l'émotion, c'est ce que je sais faire en fiction. Je sais la générer. Je sais m'appuyer sur des protagonistes, raconter l'histoire d'eux pour que ça fonctionne. Et donc, je pense que là, c'est là où j'ai pu utiliser mes outils à moi. Et après, c'était pour moi la seule incursion de la fiction dans mon documentaire. C'était de travailler avec Yolande Moreau, qui est une actrice que j'ai toujours rêvé de rencontrer. Et là, je trouve ça complètement fou d'avoir pu travailler avec elle, justement, sur un documentaire. Ouvrez-nous un tout petit peu cette coulisse-là, nous qui n'y étions pas. Bah, c'était assez simple, c'est-à-dire que on l'a contacté via son agent, on lui a envoyé un lien de la maquette du film, elle a dit oui. Et à partir de là, je lui ai téléphoné une première fois, on a fixé une date pour se rencontrer. Je lui ai renvoyé les textes à jour, je l'ai rencontré quelques jours avant d'enregistrer et puis on a passé une journée enregistrée. C'est une poseuse de questions ? Oui, c'est-à-dire que non, mais elle a demandé un peu quel ton je cherchais pour la voix off. On a fait quelques essais chez elle avant d'enregistrer. Saviez-vous lui répondre ? Bah, oui. Aviez-vous un ton en tête ? Moi, j'ai pas d'habitude d'enregistrer la voix off, mais elle non plus, c'est ça qui est intéressant. Parce qu'il y a des acteurs qui sont rompus à la voix off. C'est ce que je voulais pas pour mon film. Donc je pense que là, ni l'une ni l'autre ne l'étions. C'était plutôt bien. Donc on a cherché un ton, c'est-à-dire à quel point on met de l'émotion dans cette voix ou pas. On a choisi la bonne dose, la dose d'émotion qui nous semblait juste pour cette voix. Et ma mère, évidemment, a vu partir ses enfants au regret. Je n'avais que 5 ans et mon frère avait 7 ans. Nous avons été évacués en Suisse par Miss Fife, une dame écossaise, philanthrope. Mais pour le restant du voyage, je ne me rappelle plus rien. Albert Reichardt ne se souvient pas d'avoir rencontré Miss Fife en chair et en os. Mais sur cette photographie prise en gare de Valorbe, on reconnaît Miss Fife trois rangées derrière Albert et Georges. C'est vrai, une corde à musa. Je vous propose qu'on ouvre un autre chapitre à propos de votre documentaire 14-18 des enfants belges en Suisse. Vous avez eu la chance extraordinaire de pouvoir avoir face à votre caméra un survivant, en l'occurrence un centenaire, aujourd'hui décédé. C'est le genre de circonstances, c'est le genre de situation qui n'arrive pas si souvent. Pour vous, c'était sans doute une toute première. Plusieurs premières. C'était plusieurs premières. C'est-à-dire que peu de temps après le colloque, j'ai trouvé la productrice très facilement, un peu par hasard. On va la nommer. Florence Adam. Par hasard, elle a compris que j'allais faire un documentaire, m'a dit « ça m'intéresse ». Je lui en ai parlé, j'ai dit « voilà, il y a ce sujet qui me semble intéressant ». Je venais de suivre le colloque. Et je lui dis, il y a un survivant, le problème c'est qu'il faut aller tout de suite le filmer, on ne va pas attendre les financements, parce que ça peut prendre une année, hein, les financements d'un film. Donc elle a dit, ok, on démarre, je t'envoie à Bruxelles pour filmer ce vieux monsieur, qui avait déjà 102 ans et demi. 102 ans et demi. Alors c'était plusieurs premières pour moi, parce que de rencontrer quelqu'un d'aussi âgé, et aussi pétillant, et aussi vif... Ça, c'était impressionnant, parce que j'aurais pu tomber sur un centenaire qui n'avait plus toute sa tête. Et l'autre chose, c'est la première fois de ma vie que je menais une interview. Donc je me suis retrouvée dans une maison de retraite près de Bruxelles, avec ce vieux monsieur, un ingénieur son, un caméraman. à mener une interview, et chaque fois que je posais une question, donc je m'étais préparée, j'avais fait une liste de questions, et chaque fois que je posais une question, en fait, il ne l'entendait pas, parce qu'il était un peu sourd, et je la hurlais pour qu'il l'entende, et après, c'était parti, il me racontait voilà, ce qu'il avait à me raconter. Et c'était très impressionnant, parce que je me disais, cet homme-là a traversé deux guerres mondiales, pas qu'une, ça a changé sa vie, il était encore tout bien dans sa tête, il était sans regret. Il avait les yeux qui brillaient encore. Voilà, ça c'était vraiment très émouvant de le rencontrer. Et puis l'autre chose que je trouvais très belle, parce que je me disais, probablement il a déformé ses souvenirs, ou il les a associés à des images, ou il les a fusionnés avec ce qu'on lui a raconté. Et en fait, cet homme-là, comme il a un esprit assez scientifique, il était très précis sur ses souvenirs. Il me disait, ça je m'en rappelle, ça je ne m'en rappelle pas, et ça c'est mon frère qui me l'a raconté. Son frère, il avait 2 ans de plus quand il l'a accompagné en Suisse. Donc j'avais l'impression que c'était assez cohérent ce qu'il me racontait. Et j'ai pu le vérifier en réalité dans différents rapports, les rapports Rockefeller, puisqu'il était placé dans un institut subventionné par Rockefeller en Suisse. Par exemple, il parlait de la polenta qu'il avait tellement aimée en Suisse. Et j'ai vu qu'effectivement, il mangeait de la polenta dans les rapports de Rockefeller auxquels il n'avait jamais eu accès. Donc, c'est pas lui qui inventait à partir de quelque chose qu'il avait lu plus tard comme adulte. Et puis, chaque fois que j'essayais de lui poser des questions sur son point de vue par rapport à cette guerre, est-ce qu'il a vécu, en fait, il a toujours refusé d'y répondre parce qu'il a dit « Moi, j'avais 5 ans à l'époque. J'avais pas un point de vue d'adulte. Donc, j'ai vécu la guerre comme un enfant de 5 ans. » C'est-à-dire que c'était plutôt étonnant de vivre au milieu des soldats de toutes les nationalités. Il y avait des Africains là-bas en Belgique, et ça, il n'avait jamais vu d'Africains. C'est au colloque que vous connaissez son existence? Quelqu'un en parle? C'est sa fille qui vient au colloque et qui a filmé son père et qui montre ce témoignage. Oui. Et donc, je rencontre aussi sa fille qui a été quelqu'un qui m'a énormément aidé. Betty. Qui m'a énormément aidé pour aller fouiller dans les archives, pour reconstituer toute cette histoire, parce que, évidemment, elle est. D'abord, elle est passionnée de tout ça, mais aussi, elle aimait son père tellement fort, c'était impressionnant. Et donc, elle s'en occupait, mais extrêmement bien, elle allait le voir tous les jours dans sa maison de retraite. C'était vraiment beau, la relation qu'ils avaient. Donc, elle a toujours cherché à en savoir plus, et voilà, elle m'a préparé parfois les boîtes dans les archives, et comme elle est interprète, elle était interprète au Sénat. Donc aussi, elle a pu m'aider sur des documents flamands. Une fois débarqués à Lausanne, les enfants montent dans un tramway pavoisé aux couleurs belges qui les conduit à l'hospice orthopédique. Là, ils prennent un bain, reçoivent un repas, puis sont examinés par un médecin. Et ma mère avait cousu de l'argent dans nos vêtements. Mais ce qui est advenu de cet argent, je ne sais pas, mais je sais bien qu'elle l'avait fait. Mais nous avons reçu d'autres habits. Hein. Et de ce fait, cet argent est perdu probablement. Plusieurs historiens sont dans votre film. L'un de ceux-là est à son rond de serviette dans Histoire vivante. Mmh. Je pense à Alain Clavien, de l'Université de Fribourg. Mais... quel qu'il soit, est-ce que c'est un secteur, un département qu'ils avaient déjà étudié, ou est-ce que vous les avez poussés du coup à les creuser un petit peu pour votre documentaire? C'était pas simple de faire ce film parce qu'il n'y a pas de livre sur ce sujet. Ça c'est ma naïveté hein, de faire un premier film d'histoire, premier documentaire, de choisir un sujet qui n'a pas été traité par des historiens. Fleur Bleu, production présente. Voilà, c'est pas la première fois que je fais des choix naïfs, mais je crois que c'est comme ça qu'on fait du cinéma aussi. Donc oui, c'était compliqué. Effectivement, il n'y a pas d'historien qui connaît parfaitement ce sujet. Et donc c'est pour ça aussi qu'ils apparaissent dans le film pour faire des contrepoints historiques un peu plus larges. Contextuels. Voilà, ouais. Voilà, ils posent le contexte. Ouais. Mais ça, je le savais dès le départ, qu'il n'y avait personne qui était vraiment spécialisé dans ce sujet-là. Donc, ils amènent voilà, des points de vue pour affiner le contexte. Et puis aussi, en quelque sorte, aussi pour qu'il y ait une parole forte. Parce que moi-même, je ne suis pas historienne, donc je ne me crédite pas comme historienne là-dedans. Donc, j'ai fait le travail avec le plus de sérieux possible. J'ai appris à classer des documents, à dire qu'il faut 3 informations pour qu'on soit sûr de quelque chose avant de pouvoir le dire. J'ai été le plus droite possible dans ce travail-là, parce que c'est pas simple. J'ai compris qu'on peut vite tricher aussi avec toutes ces informations. Vous avez également eu recours, cela on ne peut qu'en parler et on la découvrira dimanche soir sur RTS2, à l'animation. Était-ce une première pour vous? Est-ce que vous aviez déjà exploré ce territoire? Il y a de l'animation dans mon deuxième long-métrage qui s'appelle Cyanure. Il y a quelques animations manga dans le film, c'est le fantasme de l'enfant. Là, j'ai choisi d'animer, en fait, les souvenirs de M. Reichardt, ce centenaire, parce que je trouvais ça très beau de le voir, lui, à 102 ans, avec son visage quand même creusé par 100 ans de vie. Donc, et au moment où on l'a filmé, il était immobilisé, il ne marchait plus depuis 2 mois. Donc il y a quelque chose qui lui tient la tête. Malgré ses yeux pétillants, c'est quand même un très très très vieux monsieur. Et donc comme ses souvenirs étaient très jolis, vifs et très positifs, et presque trop positifs, mais enfin c'était ses souvenirs à lui de ce qu'il a vécu en Suisse, je me suis dit ce serait vraiment bien qu'il bascule en papier découpé. C'est une technique d'animation qui donne quelque chose de très naïf, en fait, au personnage et à l'histoire qu'on raconte. Donc ça, c'était un choix qui est venu assez vite, oui, d'utiliser de l'animation en papier découpé. Aussi parce que le défi, c'est d'avoir une heure d'image. Et que c'est compliqué d'avoir une heure d'image en 14-18. Séverine Cornamusa, un dernier mot, parce que celle-là, vraiment, elle me titille. Georgiana Five, c'est un véritable personnage de fiction. Il y a très peu de matériel. A-t-elle laissé quand même quelques traces? Vous me disiez qu'il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas de... Alors, elle a laissé à la fin de sa vie une série de documents à Imperial War Museum à Londres, qui est un des musées les plus importants sur les deux guerres, qui est un très beau musée par ailleurs. Ça s'appelle des private papers, c'est papiers personnels. Et il y a des enveloppes, 3 enveloppes de photographies et quelques documents qui concernent tous la Première Guerre mondiale. Des tampons, des lettres, des articles, parce qu'elle était un peu plus vaniteuse que Marie-Vine Mercurtin. Et oui, c'est un personnage de fiction. Ce serait un très beau personnage de fiction, j'y ai pensé. Le problème, c'est que c'est un film très cher. Mais j'adorerais faire un film sur 7 Écossaises et 3 autres Écossaises qui était autorisé sur la ligne de front pendant 14-18, ce qui est quelque chose d'absolument exceptionnel. Donc imaginez que l'armée était exclusivement masculine, machiste, paternaliste, tout ce qu'on veut, comme le milieu du cinéma. Et qu'ils ont laissé Miss Five. Ils ont laissé Miss Five, mais aussi 3 autres femmes à intervenir directement sur la ligne de front et qui ont été des femmes, on peut le dire, mais héroïques, dont tout simplement... on a balayé dans l'histoire parce que c'était des femmes. L'appel est lancé. Vous nous direz, Séverine Cornamusa, s'il a été reçu et s'il y a quelques retours. Vous nous redonnez le titre de votre documentaire, je vous prie. 14-18, des enfants belges en Suisse. Merci d'être venu au micro d'Histoire Vivante. Merci à vous. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Christian Morero, Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez la première et il est 14h.